au début de la saison, on a eu une couple de matchs faciles en ligne. Mais là, en fin de semaine, on ne peut pas dire que ça a été facile. Ça a été très difficile de gagner ce tournoi-là. Et dans un deuxième temps, Jean-Normand Tremblay parle qu'ils ont un bon groupe de leaders. Bien, je vous dirais qu'on a un groupe de leaders assez exceptionnel de cette année. Les jeunes là, qui mènent un petit peu, là, qui sont vraiment les leaders de l'équipe, c'est vraiment des jeunes qui sont terre à terre, des jeunes qui ont, tu sais, on peut pas dire que dans l'équipe, on peut pas dire qu'il y a un jeune qui a la tête enflée ou des choses comme ça. C'est vraiment des jeunes terre à terre, c'est vraiment des bonnes personnes. Puis c'est certain qu'ils se laissent pas influencer par ça. On le voit vraiment dans leur manière de travailler dans les entraînements. Les jeunes de l'équipe, là, ils prennent rien à la légère. Ils continuent à travailler fort, mais c'est clair que ce que vous me dites là, on l'a dans la tête un petit peu. Tu sais, on se dit crime, là on perd pas, mais faudrait pas perdre quand ça. L'Avalanche du Colorado a perdu 4-2 hier contre les Canadiens de Montréal au Centre Bell, mettant un terme à 10 victoires consécutives. Samuel Girard de Robertval a été blanchi, a joué 17 minutes 28 la seconde. Par contre, il a terminé le match à plus 1. Classement POC, selon le site internet classementpoc.com, les Hurricanes de Mastouillage sont en 54e position, les Rapides de Boumsesnini en 57e place et les Ambassadeurs de Chibougamau occupent le 81e rang. Au niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien au 2e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau au 28e rang et les Castors de Delbeau en 74e rang. Et au niveau junior, les Éperviers de Normandais sont en 28e rang et les Sabres de Robertval en 43e place. Et je termine avec de la motoneige. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc était en compétition en fin de semaine et il a pris le 7e rang. J'ai vite écouté la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Gilles Péloquin, c'est la chronique de la Ligue nord-américaine de hockey. Marie-France Larouche, qui a participé à 7 tournois des cœurs et qui est native de Boumsesnini, donne des conseils à l'équipe de Mélina Perron. Également, je me suis entretenu avec David Simard de patinage de vitesse sur courte-piste et Jean-Normand Tremblay, l'instructeur-chef des Lynx d'Allemagne. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.